One love. Flashback sur ma life, j'rappe depuis l'âge ingrat. Et à cette époque, y'avait un script pop dans mon agenda. J'me souviens des Posca, Corio, Bombay, Kurta. Exprime sur les murs l'artiste qui sommeille en toi. Artiste, graffiti, hip-hop, solidarity, peace, unity, love est notre philosophie. Esprit conscient exigé que notre âme soit plus négligée. Pour que les wacks restent figés, qu'on puisse enfin tous émerger. Les vraies valeurs d'un MC, rester digne et concis. Un flow construit, pas de mensonges dans tes récits. Mike 1-2-1-2, graff ou rap, j'faisais l'un d'eux entre Fat Cap et Boom Bap. Grandissait le petit merde, yo, check mes faces, reste en place. Les wacks lassent, râle et bap. Quand on prend le microphone, on fait trembler tes baffes, yo. One love pour le hip hop, notre art est tellement fort qu'il défonce plus de mille portes. One love pour le hip hop, notre art est tellement fort qu'il défonce plus de mille portes. One love, yeah. One love, yeah. One love pour le hip hop, notre art est tellement fort qu'il défonce plus de mille portes. Je suis le craquement de vinyle qui parasite ton lecteur, ou cette infrabasse qui vient rajeunir ton ghetto blaster. Une voix de plus dans ton Walkman, Derrick au kilogramme. J'injecte un gramme de grammaire pour que tu puisses capter la flamme. La passion coule dans mes artères, évolue dans tes enceintes. Tcha, EFYR, le hip hop est mon empreinte. J'ai plus d'une rime dans mon cahier intime, le kiff est unanime. Je représente le second souffle qui s'évapore de ta platine. Je suis ce graffeur anonyme qui arpente les rues de ta ville. Capuche, basket, casquette, à la recherche d'adrénaline. Il faut savoir prendre des risques pour poser son bloc laters. Sois fier de ton cours, retrousse tes manches contre tous ces haters. Artist, graffiti, hip hop, solidarity, peace. Mais pas pour les jaloux qui nous défient. One love pour le hip hop, notre art est tellement fort qu'il défonce plus de mille portes. One love pour le hip hop, notre art est tellement fort qu'il défonce plus de mille portes. One love, yeah. One love, yeah. One love pour le hip hop, notre art est tellement fort qu'il défonce plus de mille portes. Je redoute la panne d'écriture comme un patient fuit le cancer. Je reste un libre penseur, éternel défenseur. Passe-moi le mic que je devienne rappeur. Vas-y, passe-moi la bombe que je devienne graffeur. Je grave ma voix sur la prod comme une bougie sur le verre. Je big up à tous ces taggers qui posent sous les réverbères. La belle tolle coule dans nos veines, sache que le graff c'est dans les gènes. J'ai découvert le graffiti en taguant ma cage d'HLM. C'est pour mes refs que je rappe et je taffe et je passe le cap. Track par track, j'attrape, frappe sur le beat, tous ces wacks me narrent. Je remarque que le vrai hip hop n'est pas tout à fait mort. Alors continuons la lutte car notre passion c'est de l'or. Donc prêt pour la révolution, prêt pour la révolution, prêt pour la révolution. Hip hop élévation. One love pour le hip hop, notre art est tellement fort qu'il défonce plus de mille portes. One love pour le hip hop, notre art est tellement fort qu'il défonce plus de mille portes. One love, yeah. One love, yeah. One love pour le hip hop, notre art est tellement fort qu'il défonce plus de mille portes.